C'est vrai, sur mon chemin j'ai eu pas mal de pièges. Comme si mes bonnes étoiles n'étaient pas de mèche. J'ai bien réfléchi et tourné 7 fois ma langue dans ma bouche. Et je suis toujours imprécis. Tant pis, je vais te le dire avec mes mots. J'ai moins de qualité que de défauts et c'est pas faux. Faut pas croire à de la modestie. Je sais que je dois pas compter sur les autres pour monter mon estime. Je bafouille quand je dois dire des choses importantes. Mais pour dire des conneries, là ça sort tout seul, hein. Allez sans recul, de toute façon on a qu'une vie. Je range ma plume, je te cache mes pupilles. Petit j'étais garçon fier, toujours guidé par son flair. J'avais rien dans le sac à dos, pas de quoi devenir parano. Des bons souvenirs par centaines. Petit j'étais garçon fier, toujours guidé par son flair. J'avais rien dans le sac à dos, pas de quoi devenir parano. Des bons souvenirs par centaines. J'ai pris le contrôle, je suis dans le vaisseau sans copilote. Maintenant je titube entre le poison et l'antidote. Fallait pas te presser, fallait pas me laisser. Le temps m'a blessé, je peux plus cesser de me méfier. On fait tous avec nos cicatrices. Je vous regarde tous sur Insta mener des vies d'artistes. Et quelques flashs, quelques clics, plusieurs visages d'humeur lunatique. Avec un rien on faisait des miracles. Au City Stade on se mettait minable, les soirées interminables. Et pas de réseau, c'était les cartes sur la table. Y'a pas d'ego, c'était les ro, c'était les shab. Petit garçon, à le regard sombre. Comme un vieux con, je remets tout sur le dos de la génération. Depuis tout jeune, je sais pas gérer mes émotions. Et je remets tout sur le dos des réseaux sociaux. Petit, j'étais garçon fier. Toujours guidé par son flair. J'avais rien dans le sac à dos, pas de quoi devenir parano. Des bons souvenirs par centaines. Petit, j'étais garçon fier. Toujours guidé par son flair. J'avais rien dans le sac à dos, pas de quoi devenir parano. Des bons souvenirs par centaines. Garçon fier, toujours guidé par son flair. J'avais rien dans le sac à dos, pas de quoi devenir parano. Des bons souvenirs par centaines. Petit j'étais garçon fier, toujours guidé par son flair. J'avais rien dans le sac à dos, pas de quoi devenir parano. Des bons souvenirs par centaines. Petit j'étais garçon fier, toujours guidé par son flair. J'avais rien dans le sac à dos, pas de quoi devenir parano. Des bons souvenirs par centaines. Petit j'étais garçon fier, toujours guidé par son flair. J'avais rien dans le sac à dos, pas de quoi devenir parano. Des bons souvenirs par centaines.